Amis humains, deuxième article Google, vers la domination robotique globale, et ce N est pas de la science-fiction. Les citoyens de la planète devraient sans doute se poser des questions. Rappelons que Google a la main mise sur une immense part des connaissances humaines, peut traduire n'importe quelle langue, l'entreprise a cartographié l'ensemble des rues et chemins de la planète, elle en sait certainement plus sur vos données personnelles, votre localisation, où vous vous rendez, votre téléphone, ordinateur, vos amis, vos contacts, toute votre vie digitale, que le système échelon lui-même. Ces éléments troublants interpellent de nombreux observateurs. Google serait-elle en train de se transformer en Skynet ? D'après les fondateurs de Google, les robots auront remplacé les humains vers 2035 pour un monde meilleur. Étrange vision de l'avenir dont on ne sait s'il faut s'en réjouir. Selon leur nouveau gourou Rick Kurzweil, responsable de l'équipe d'ingénieurs, également conseiller de l'armée américaine dans les domaines scientifiques, dès 2029 les robots pourront faire tout ce que font les humains de manière plus efficace. Cet inventeur touche à tout prédit qu'avant 10 ans les ordinateurs auront atteint un certain niveau de conscience et qu'à l'horizon 2045 ils seront des milliards de fois plus puissants que tous les cerveaux humains sur Terre. Perspective tout à fait sidérante et pour le moins effrayante d'un avenir de silicone et d'acier, d'un monde plus que jamais à deux vitesses. Heureusement que le slogan de Google, Don't do evil, ne faites pas le mal, est là pour nous rappeler que les dirigeants actuels de cet empire affichent des convictions pacifiques. Est-ce suffisant pour nous rassurer pour autant? Voilà la suite au prochain épisode, groupe de symboles. Troisième article Google, vers la domination robotique globale, et ce N est pas de la science-fiction. La robotisation dans le domaine militaire. La technologie robotique militaire est hautement classifiée et gardée secrète. Pour autant, certains projets sont déjà connus, certains employés depuis des années, et d'autres ont reçu un certain éclairage médiatique. Google, depuis ses dernières acquisitions, y prend une part active. Commençons par les drones, ces fameux avions sans pilote, qui servent d'appareils de reconnaissance et parfois d'attaque. La toute première attaque lancée contre une cible au sol par un drone Predator eut lieu près de Khasto, Pakistan le 4 février 2002. La CIA était aux commandes et des informations données à penser que Ben Laden était présent sur les lieux. Un missile Hellfire fut tiré et trois civils innocents exécutés. On entrait dans une nouvelle ère. Tuer devenait distant, sans risque, presque comme dans un jeu vidéo. Ces machines volantes mortelles sont devenues les héros de la guerre, propres et chirurgicales, pour ceux qui en possèdent et savent communiquer dans ce sens vis-à-vis des opinions publiques. Les opérateurs à distance, certains situés à des milliers de kilomètres, peuvent toujours déclarer qu'ils ne font qu'obéir aux ordres. Les victimes sont totalement déshumanisées. De nos jours, des centaines de drones sont utilisés par de nombreuses nations dont la France. Notons au passage l'énorme retard de la France dans ce domaine, l'armée de l'air n'en possède pour l'instant que 6 pour plus de 400 dans l'arsenal américain. Nos drones ne sont d'ailleurs pas armés à ce jour par décision politique. Le gouvernement américain ayant franchi ce pas depuis longtemps, le sénateur Lindsey Graham estimait en février 2013 que plus de 4700 personnes avaient déjà été victimes de l'attaque des drones au Pakistan, en Irak, en Libye, au Yémen, en Somalie, en Afghanistan. D'après le ministère de la Défense pakistanaise, 80% des tués seraient des civils, voire drone.pitchinteractive.com/. Aujourd'hui, mercredi 29 octobre, le ministre de l'Intérieur Chaudhry Nizar Ali Khan exigeait l'arrêt définitif des attaques de drones au Pakistan lors de son entretien avec le représentant américain Daniel Feldman. Des drones patrouillent aussi le long de la frontière américano-mexicaine pour des missions de surveillance diurne et nocturne. Voilà la suite au prochain épisode, groupe de symboles. Amis humains, cinquième article Google, vers la domination robotique globale. Et ce N est pas de la science-fiction. La robotisation dans le domaine militaire. La technologie des robots humanoïdes et ceux qui tentent de reproduire les animaux finalement. Google a fait l'acquisition d'une panoplie d'entreprises travaillant dans la robotique, dont Boston Dynamics, qui a obtenu 140 millions de dollars de contrats du département d'État américain et de ses agences depuis l'an 2000. L'entreprise se vante d'ailleurs de conseiller et d'équiper l'armée, la marine et les marines avec le développement des robots les plus avancés de la planète. Les robots Petman et Atlas de taille humaine sont déjà capables de marcher et d'évoluer sur tous les terrains. Big Dog est un robot évoluant sur quatre pattes capable de transporter 150 kg, lancer de lourds objets à distance. Cheetah détient le record mondial de vitesse pour un robot quadrupède avec ses 45 km/h. Tous ces projets ont été financés en grande partie par la DARPA, l'agence pour les projets de recherche avancée de défense à l'origine. Par exemple DARPANET, l'ancêtre d'Internet. En combinant toutes ces avancées sur l'autonomie, la mobilité, la puissance et la vélocité, Google détiendrait déjà les clés du futur combattant robotisé de nos pires cauchemars. En parallèle, la DARPA continue également de diriger de nombreux projets, dont le X-37B, des travaux sur l'interface neuronale directe, les exosquelettes Exo. La directrice actuelle de la DARPA, l'ingénieur Arati Prabhakar, expliquait récemment que son agence investissait pour des raisons de sécurité nationale. Google, en tant qu'investisseur privé, comptait bien honorer les contrats en cours, ce qui était perçu comme un signe positif. En réalité, personne, pas même le département d'État, ne connaît vraiment les intentions des dirigeants de la firme californienne à ce sujet, ni l'étendue des travaux en cours au sein du très secret laboratoire Google X supervisé par Serge Brun en personne. Voilà la suite au prochain épisode, groupe de symboles. Sixième article Google, vers la domination robotique globale. Et ce N est pas de la science-fiction. La robotisation dans le domaine militaire. Robots et stratégies au sein de l'armée américaine. On n'arrête pas le progrès. Aussi, afin de se doter d'équipements adaptés, l'armée américaine fait régulièrement un état des capacités robotiques et de leurs avancées. En octobre 2013, Northrop Grumman, 5D Robotique, HDT Robotique, e-Robot, Kinetic et Lockheed Martin ont présenté pendant plusieurs jours différents robots d'usage militaire. Déplacement, autonomie, transport de charges lourdes, franchissement de terrain étaient évalués à Fort Benning en Géorgie. L'événement visait à présenter à l'état-major la technologie réellement disponible et comment elle pouvait être appliquée à la défense. À cette occasion, quatre compagnies ont mis à disposition leurs robots armés, comme le Protector, monté d'une mitrailleuse M240. D'autres engins robotisés ou autonomes furent testés au mois d'août de cette année à Fort Benning. D'après Scott Hartley, cofondateur de 5D Robotique, il pourrait y avoir 10 robots pour un soldat dans l'armée américaine d'ici une décennie. Ces robots pourraient déplacer matériel et équipement, effectuer des patrouilles de sécurité, suivre les soldats sur le champ de bataille pour un soutien logistique, voire prendre part au combat. Toutes ces évolutions vont dans le sens de la stratégie mise en place par le commandement d'entraînement et de doctrine de l'armée, TRADOC. Ce haut commandement est chargé de modeler l'armée du futur, de développer et de maintenir la doctrine militaire, mais aussi de la formation et de l'entraînement des soldats, la production de manuels militaires, etc. Le magazine Popular Science de janvier consacrait d'ailleurs un fascinant article à ce sujet. Vers 2050, les soldats américains pourraient bien lutter aux côtés de collègues robots. Le général Robert Cohn, alors directeur du TRADOC, révélait que l'armée comptait ramener la taille des équipes de combat des brigades de 4000 à 3000 soldats, drones et robots servant de complément. Pourquoi remplacer des hommes par des machines? Les hommes coûtent trop cher, il faut les entraîner, les nourrir, les équiper, et encore les suivre durant tout le reste de leur vie, après leur retour à la vie civile. En 2012, un quart du budget du Pentagone était consacré à l'entretien et à la paix des soldats d'actifs et les retraités. Dans l'armée américaine, l'escouade de 9 hommes est la plus petite unité de combat opérationnel. Les transports de troupes sont créés en prenant en compte ce format. Les équipes de combat des brigades constituent les plus petites unités moyennes qui peuvent être envoyées au combat de manière indépendante. En réduisant les soldats dans les escouades, on réduit les effectifs de la brigade, ce qui entraîne des véhicules plus petits et moins chers. Pour ne pas diminuer la capacité opérationnelle, en diminuant les effectifs, les brigades doivent pouvoir compter sur tout ce qui est nécessaire. En cela, le général Cohn expliquait que l'armée américaine allait devoir changer fondamentalement la nature de la force et qu'il fallait pour cela une avancée déterminante dans la science et la technologie. Ce qui, selon lui, devait arriver vers 2030 à 2040. Voilà la suite au prochain épisode, groupe de symboles. Septième et dernier article Google, vers la domination robotique globale, et ce n'est pas de la science-fiction. La robotisation dans le domaine militaire. Robots et stratégie au sein de l'armée américaine. Quelle limite à la guerre robotisée? Une foule de questions se posent ainsi déjà. Quelles seront les limites de cette révolution robotique? Devons-nous donner la capacité de prendre la décision de tuer à des machines? L'avènement de ces nouvelles technologies entraîne la crainte de voir un jour les champs de bataille envahis par d'innombrables robots combattants. Et si de puissants cyborgs militaires atteignaient un certain degré d'intelligence artificielle, la boîte de Pandore serait ouverte. Des spécialistes tentent d'alerter l'opinion publique. Selon Elon Musk, le génial fondateur de SpaceX et de Tesla Motor, jouer avec l'intelligence artificielle serait comme invoquer le démon. Particulièrement critique, il déclarait dans le même sens « Je pense que nous devrions être très prudents avec l'intelligence artificielle qui est potentiellement plus dangereuse que les armes nucléaires. » Contre cet univers militaro-technico-industriel, la résistance s'organise déjà de manière dispersée. Un inventeur se propose ainsi de créer une armée de robots pour lutter contre les robots militaires ennemis. Le professeur Dumit Krisksikshentmihalyi et son équipe créent depuis des années des machines destinées à lutter contre les machines pour s'opposer aux guerres et aux puissants qui menacent nos libertés. Sur le plan éthique, la conférence donnée par le physicien Marc Dubrude à Atlanta lundi 27 octobre portait sur la même thématique. Ce membre du comité pour le contrôle des robots armés a prévenu l'auditoire, parlant de la possibilité de plus en plus pressante d'armées de robots luttant dans une guerre où les humains n'auraient aucun rôle. Actuellement, plus de 50 organisations militent contre les robots militaires. une campagne active sur le net intitulée Stop Kill Robot, organisée par Human Rights Watch, est en cours depuis avril 2013, http://www.stopkillerobot.org/. Hier, mardi 28 octobre, sa coordinatrice, Mary Varoam, a délivré un communiqué devant le Comité de désarmement et de la sécurité internationale de l'Assemblée des Nations Unies. La vitesse actuelle des changements technologiques impose des délibérations urgentes et une action bien plus rapide, prévenait le rapport. Nous avons de nombreuses préoccupations avec ces robots tueurs, mais la plus importante préoccupation est sans doute la notion de permettre à une machine de sélectionner et de prendre une vie humaine sur le champ de bataille, dans le cadre du maintien de l'ordre ou d'autres situations. Nous avons constaté que nombreux sont d'accord avec nous, c'est un pas de trop, c'est franchir une ligne qui ne devrait jamais l'être. Ce serait un affront à la dignité humaine. Dans ce monde de plus en plus cybernétique, Google est bel et bien en passe de devenir incontournable. Un empire est en train de se constituer sous nos yeux. Le professeur Noël Charquet, spécialiste en robotique et intelligence artificielle à l'université de Sheffield, déclarait aujourd'hui, jeudi 29 octobre, au journal The Independent, « J'aimerais penser que Google va en fait utiliser cette technologie avancée pour construire un extraordinaire robot civil, peut-être un robot capable de livrer des colis ou pour l'aide à domicile, mais l'attractivité de contrats militaires de plusieurs millions de dollars pourrait les pousser du côté obscur. Espérons que cela n'arrivera pas. » Eric Piselli, historien militaire. Voilà suite et fin. Gageons que vous ne verrez plus jamais le moteur de recherche Google de la même manière. Google, vers la domination robotique globale. Qui connaît réellement l'empire de Google? Les grandes choses ont de petits commencements. Il y a 10 ans à peine, Google entrait en bourse. Aujourd'hui, un analyste prédit que l'entreprise fondée par Larry Page et Sergey Brin serait la première à atteindre le $1,012 million de dollars de capitalisation boursière, mi-poste du 10 octobre 2014. Selon l'analyste Colin Givier employé par BCG Partners, Google va croître aussi vite qu'une traînée de poudre grâce aux investissements dans des secteurs comme les voitures autonomes et la robotique. Évaluée à l'origine à 23 milliards de dollars, l'entreprise atteint aujourd'hui 366 milliards, devenant la quatrième compagnie au monde, très proche de Microsoft et d'ExxonMobil. Depuis février 2001, Google a acquis 172 entreprises dans des secteurs extrêmement variés. Toutefois, ces derniers mois, la firme californienne a multiplié des achats qui intriguent inévitablement tous les observateurs. Entre octobre et décembre 2013, 8 firmes de robotique ont été rachetées presque coup sur coup. Ensuite, ce furent 4 entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle, les 2 dernières acquisitions dans ce domaine datant du 23 octobre. Sans compter les sociétés de drones de haute altitude et d'imagerie satellite. Qu'est-ce que Google pourrait vouloir en faire? Certains commentateurs se demandent ainsi si l'entreprise ne veut pas créer une armée de robots, et si c'était le cas, dans quel but? On peut penser qu'il s'agirait d'une chasse aux talents dans des domaines d'avenir, Google étant devenu un amalgame de technologies diverses. Il y a 10 ans, Google était clairement un moteur de recherche. Aujourd'hui, les marchés et le grand public ne savent plus trop définir l'entreprise, ni ne comprennent ce qu'elle est en train de devenir.